第二段。 Bet. Bereshit bara Elohim et hashamayim vayivra et haaretz vayivra et haadama vayivra et haadam. Bereshit bara Elohim et hakol.